Hey, de quoi on jase, mon Richard, ce matin? Ben, je sais pas, t'as eu de la visite, toi, en fin de semaine. Moi, j'ai été bien impressionné de voir ça. Tu deviens une vedette à Montréal, c'est important. Écoute, on dirait que... mes vieilles cochonneries me suivent du Saguenay parce que c'est sensiblement la même chose. Mais on t'aide un peu avec les liens qu'on crée, là. On lève un peu le jupon de la gauche et en faisant ça, on ramène un peu ce que t'as déjà décrié dans le passé. Et là, c'est rendu qu'on a commencé à s'approprier mon Twitter, hein. Là, hier, là, ça a commencé, là. Il y a plusieurs personnes qui m'envoient des tweets, là. Entre autres, qui me dit, qu'est-ce qu'on me dit? Monette, puis il y en a un qui dit « Je viens d'être nommé recherchiste pour le show de Carl Monnette à Radio X. Êtes-vous fier de ma job? » Puis là, on met le lien où j'ai parlé des petits terroristes dangereux en fin de semaine là qui sont venus me remettre un prix samedi matin pendant qu'il n'y avait pas un chat à la station. Là, après ça, il y a un autre, là, le journal, là, c'est une gang de... Je sais pas, de la gauche, là, puis on essaye d'inclure là-dedans Manon Massé. On a envoyé mon message aussi à Dan Bigra, puis ça, on commence, là, la gauche extrême, là, commence à essayer de vouloir faire jaser d'elle. Là. Pour moi, ça fait longtemps. Pour moi, ils s'ennuyaient, hein. Ils ont eu le spotlight. Mais en fait, ils l'ont eu de plein de manières détournées, le spotlight. Non, mais ils sont obligés de faire une vidéo. Ce que je comprends, ils se sont filmés eux-mêmes en train de remettre le prix alors qu'ils savaient que t'étais pas là, là. C'est ce que je comprends. Samedi matin, ils sont venus à la station ici me remettre un prix, la poubelle d'or. Qu'on a ici, qu'on a rentré en studio. D'ailleurs, je me demandais c'était quoi cette poubelle-là. Et je me suis rendu compte aujourd'hui parce qu'ils ont mis une vidéo sur YouTube qui s'intitule « Poubelle d'or pour Carl Monnette ». On va mettre ça sur le site, je pense. On va le mettre ça. Je vais vous le mettre en lien tantôt sur mon site. Et là, on est venu me remettre un prix. Ils ont fait une grosse affiche sur un drap blanc marqué « Prix poubelle Carl Monnette ». Et ils ont sorti un extrait que j'ai dit, voilà, à peu près, je pense, ça fait un an et demi de ça. Et ils ont pris quelques bouts de l'extrait, me faire passer pour un dégueulasse ou ce que je voulais envoyer tous les itinérants, puis tout, pis, ce qui est pas ça du tout, là. Je parlais de deux personnes en lien avec un vidéo qui avait été faite sur Internet. Anyway. Fait qu'ils ont fait de la désinformation, ils ont mis ça tout croche, et là, parce que on est les seuls, Richard, qui dérange cette gauche-là extrémiste, qui fait des liens avec des organismes qu'on voit à la télévision, qu'on entend à la radio, Ligue des droits et libertés, vous avez l'Association des juristes progressistes, Québec solidaire. Des groupes indépendants. Des groupes indépendants qui, en bout de ligne, oui, indépendants, qui, en bout de ligne, sont tous reliés ensemble et leur but, c'est de créer le chaos social. Et vu qu'on dénonce ça, ben, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui leur reste? C'est d'essayer de me faire passer pour le plus moron des possibles. Pour dire que c'est tout de ma faute pis c'est moi qui invente des affaires. Mais en fait, Radio X, je sais pas, combien de subventions vous avez eues cette année du gouvernement fédéral, provincial? Un gros zéro. Ah, vous êtes pas subventionné. Non. Il devrait peut-être travailler à vous obtenir des subventions comme Radio-Canada, qui vous compétitionne dans le marché de la publicité, hein. Ils travaillent sur les deux tableaux. Oui. Mais eux autres, ils ont besoin de vous autres. La preuve, ils viennent vous présenter un prix, ils font des vidéos. Ils ont besoin d'avoir, un groupe comme Radio X pour les dénoncer. Alors, ils devraient travailler à vous obtenir des subventions. Sinon, on devrait peut-être enlever les subventions à Radio-Canada. Ça, je suis d'accord avec toi, Richard. Et c'est drôle parce que dans le vidéo qui dure 1 minute 59, bon, il y a celui qui lit de la patente là avec une perruque, une casquette et un nez de clown que je reconnais pas du tout. Mais à la fin, c'est drôle parce que il y a 1, 2, 3, il y a 4 autres personnes qui sont avec lui en avant de la station ici, samedi matin. Tu sais, premièrement, samedi matin, ça prend pas une paire de couilles pour venir un samedi, là. Je travaille la semaine, ils sont bien au courant, je suis en congé le samedi puis le dimanche, là. Premièrement, c'est une gang de pissous. Pissous, pour reprendre l'expression de M. Garon. Et deuxièmement, écoute, ils ont des foulards dans la face, des casquettes puis des lunettes de soleil. Puis là, tu vois une fille avec les couettes qui dépassent, un foulard jusque dans le front, avec son capuchon par-dessus. Ces gens-là sont tellement de pissous qu'ils veulent même pas se montrer à la face. Hey, ça fait pitié, pareil. Hein? Il serait cute si c'était pas de la gauche radicale qui est derrière ça. C'est des gens qui sont manipulés. Les jeunes, ils sont faciles à être manipulés. Oui. Mais... Moi aussi, j'ai déjà été comme eux, là. Quand j'étais jeune, on est contestataire. C'est normal, à cet âge-là. Mais... À 18 ans, là, j'étais pas au courant de rien. J'avais pas pris le temps de lire. Je me faisais instruire par les films de Falardeau. Puis on disait que l'indépendance, c'était pour être bon. Puis on écoutait le temps des bouffons en chiolant, en critiquant ça. ces Anglais en disant que t'es une gang de mangeurs de marde. Mais à un moment donné, quand t'as un petit peu plus d'intelligence, puis t'as un petit peu plus de cerveau, puis tu prends le temps d'analyser tout ça, ben ton fusil change de bord un petit peu. Hein? Sauf ceux qui sont derrière. Ceux qui manipulent, eux autres, c'est ont organisé. Et ouais. On fait des liens avec, justement, tu te souviens du groupe qui était Agir contre le discours des radios privées hein, à Québec. Donc, toute l'histoire des radios poubelles... Le mystère de Québec. Comment ça se fait qu'à Québec, les morons écoutent des radios comme ça? Donc, il y a cette espèce de questionnement comme ça. Ben, on voit qu'il y a des liens entre la Ligue des droits et libertés et cette coalition-là. Donc, on excite avec des jeunes qui viennent présenter des prix poubelles et tout le reste. Et après ça, ça sollicite des entrevues dans les médias officiels, comme Radio-Canada. Et là, tout à coup, on se présente de façon très objective, comme la Ligue des droits et libertés ou l'Association des juristes progressistes va aller faire. Et c'est ça qui est intéressant, qu'il faut regarder, là.